Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. Le plaisir est pour nous de vous retrouver pour un nouveau numéro de Forum Jeunes. Notre discussion va porter sur ce qui est en train d'être fait par les jeunes pour lutter contre le VIH-SIDA. Vous saurez que d'après des informations qui ont été données par la ministre de la Santé devant le Parlement en date du 26 juillet de cette année, il a indiqué qu'au Burundi, 0,76% de la population vit avec le VIH-SIDA, soit plus de 80 000 sur plus de 10 millions de Burundais. Ces dernières années, des pas considérables ont été franchis en matière de sensibilisation sur la prévention du VIH-SIDA et le dépistage. Les cas de SIDA ont énormément diminué. À titre de comparaison, en 2003, il y avait environ 250 000 vivant avec le VIH-SIDA, soit 2,7% de la population burundaise. À ces avancées, on aimerait savoir quel est l'apport des jeunes dans ce combat contre le SIDA et quelles sont les contraintes qu'ils connaissent. Pour essayer de trouver des réponses à ces questionnements, nous sommes avec Audrey Inarukundo, directrice exécutive du Réseau national des jeunes séropositifs. Bonjour et bienvenue, Audrey. Merci. Nous sommes également avec Eric Sengiyumva, responsable des campagnes au sein de l'Alliance burundaise contre le SIDA pour la promotion de la santé. Bonjour et bienvenue, Eric. Bonsoir bon, et bien, merci beaucoup. Mm-hmm. La mise en onde est assurée par Aimé Toussamitebouti à l'animation de cette émission, Alida Ndaikeza. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Pour entrer dans le vif du sujet, ma première question est adressée à Audrey du RNG+. En tant que directrice d'une organisation qui lutte contre le SIDA, par rapport à ce que la ministre a dit, est-ce que réellement il y a des avancées par rapport à ce qui est en train d'être fait? Oui. Mm-hmm. Par rapport à ce qui est en train d'être fait au sein du RNG+, je pourrais dire que les 13 ans au service de la communauté, nous voyons que nous avons déjà fait un grand pas. Mm-hmm. Oui, parce que même les jeunes qui n'étaient pas, qui ne recevaient pas l'information dans les temps passés, pour le moment, on essaie de les atteindre via la pére-éducation et la sensibilisation par les pères. Mm-hmm. Donc, nous faisons tout notre mieux, nous impliquons tout jeune, c'est-à-dire que surtout les jeunes de la population clé qui sont vulnérables au VIH, nous essayons de les inclure pour mener ce combat. Parce que sans nous, nous pourrons dire que on peut pas mettre fin au VIH sans que nous nous impliquions nous aussi. Ouais. On comprend bien que vous avez intensifié pour ce qui est de la sensibilisation. Eric, ouais. Abès, ouais. Qu'est-ce qui est en train d'être fait pour vraiment dénoter des avancées sur terrain? Ouais, on peut déjà enregistrer quelque chose. Ma collègue Audrey vient de préciser ça. En tout cas, il y a des avancées significatives. Tout simplement, c'est qu'il y a vraiment une catégorie qui a un taux de séroprévalence très élevé, je dirais. Et c'est qui? C'est la catégorie des agents de drogue injectables. Mm-hmm. Si madame le ministre a parlé de ce pourcentage, mm-hmm. mais chez nous, c'est 10,2. Mm-hmm. Déjà, ça, c'est vraiment... Mais le pourcentage que tu es en train de dénoter, c'est par rapport à ceux qui sont porteurs du SIDA? Oui. Mm-hmm. Ce sont des agents de drogue injectables. Donc, 10% des séropositifs, ce sont ceux qui consomment de la drogue, si j'ai bien compris. Si j'essaie de m'expliquer, c'est-à-dire que parmi les usagers de drogue injectable, mm-hmm. L'étude qui a été faite dernièrement a prouvé qu'il y a 10,2%, mm-hmm. 10,2% ont le VIH. Mm-hmm. Alors, et l'usage de la drogue injectable au Burundi, c'est un nouveau concept. Mm-hmm. Alors, je pense qu'avec ces chiffres, mm-hmm. vraiment, ce sont des chiffres alarmants. On va voir comment faire. Sinon, avec les autres catégories de populations vulnérables, pour le moment, je peux affirmer qu'il y a des avancées significatives. À part la sensibilisation, mm-hmm. qu'est-ce qui est en train d'être fait concrètement sur terrain? Il y a la prévention qui vient tout d'abord. Mm-hmm. Si tu ne fais pas la prévention en bon terme, mm-hmm. tu ne vas pas réussir. Alors, la prévention, on est ensemble, on est dans les réseaux, on est toujours avec Audrey, mm-hmm. on est toujours avec les amis d'Audrey, mm-hmm. on avance ensemble. Mais, comme Audrey l'a précisé, la pérédication, ce mm-hmm. qu'on appelle nous chez nous, la pérédication, c'est juste les gens qui travaillent volontairement, mm-hmm. qui vont sur le terrain. Chez nous, on appelle ça les hotspots. Mm-hmm. Ils vont là-bas, ils vont là-bas où ils vont trouver ces gens. Ils vont essayer de sensibiliser l'usage du préservatif. Pourquoi le dépistage? Mm-hmm. Mais justement, mm-hmm. en étant sur le dépistage, quelle est la place du dépistage pour se prévenir du SIDA? Est-ce que c'est vraiment exploité? Oui, c'est exploité. Mm-hmm. C'est exploité parce que pour le moment, ce n'est pas comme avant. Pour le moment, on essaie d'aller jusqu'à à la vision de l'onicida, mm-hmm. qui dit quoi? Chaque personne testée positive, il doit automatiquement aller prendre le médicament. Mm-hmm. Je m'en rends vers Audrey. Est-ce que, parlons des jeunes, c'est facile pour les jeunes de se faire dépister quand tu es sur terrain? Très facile même. Mm-hmm. Parce que, comme j'ai dit, l'un des programmes que nous utilisons, la peer éducation, mm-hmm. la tournée des peers éducateurs. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, moi, je vais voir quelqu'un dans mon âge et je lui explique ce que c'est le sida. Mm-hmm. C'est ça la peer éducation. Mm-hmm. Je lui donne des informations en rapport avec le VIH, en rapport avec la SSR, la santé sexuelle de la reproduction. Et quand il a une question, il peut venir chez nous. Nous avons un centre pour jeunes. Et au sein de ce centre, nous, on ne se limite pas à donner des informations seulement. On fait aussi le dépistage. Et à titre d'exemple, ce mois dernier, nous avons pu tester plus de 100 personnes, plus mm-hmm. de 100 jeunes. Vous les avez rencontrés dans leur milieu où ils sont venus vers vous? Premièrement, par la peer éducation, il y a des gens qui sont référés pour venir chez nous, dans mm-hmm. notre centre. Mm-hmm. Mais aussi, nous organisons des groupes de parole où nous invitons les jeunes d'une catégorie d'âge, disons de 10 à 14 ans, ou de 10 à 19 ans, ou bien même de 20 à 25 ans, selon les catégories d'âge, et on leur donne des informations. Et quand ils prennent conscience de l'importance du dépistage, ils décident sur place de se faire dépister. Et on leur offre ce service parce que nous sommes là pour les jeunes. Mmh. Ouais. Il y a des reportages que la radio Isanganiro a fait sur terrain. Mmh. Il y a des jeunes qui disent qu'ils ne comprennent pas l'importance de se faire dépister. L'importance de se faire dépister, vraiment, la personne qui dit ça, pour le moment, je pense que c'est la personne là qui n'est pas du tout informée. Mmh. Audrey le connaît, on est pour le plan stratégique national de lutte contre le VIH. Mm-hmm. On a ce pourcentage des gens qui ne connaissent même rien sur le VIH. Mm-hmm. Je pense que c'est ce reportage a visé ces gens. Mm-hmm. Sinon, pour le moment, tout jeune, pour moi, devrait se faire dépister. Parce que le dépistage, c'est la seule solution mm-hmm. pour vivre en connaissant l'état de santé. Mm-hmm. Sinon, pour le moment, je voudrais vraiment garantir tout le monde que le VIH, ce n'est plus une maladie. Mm-hmm. Ce n'est plus une maladie qui peut décourager la personne. Mm-hmm. Ce n'est plus une maladie qui peut décourager la société. Il y a vraiment beaucoup d'améliorations par rapport aux thématiques VIH. Par exemple, bientôt, Audrey le connaît bien, on va mettre en place ce qu'on appelle l'autotest. Mm-hmm. C'est-à-dire avec l'autotest. Qui va consister à faire quoi? L'autotest, c'est-à-dire je vais connaître mon état de santé mm-hmm. sans que le docteur Alida connaisse ça, mm-hmm. sans que le docteur Audrey connaisse ça. Mm-hmm. C'est-à-dire c'est toi-même qui connais votre état, si vous êtes séropositif ou bien séronégatif. Mais le conseil, c'est que si vous êtes séropositif, il ne faut pas traîner. Il faut aller directement prendre les médicaments. Mm-hmm. Et quand vous êtes sur terrain, le plus souvent, mm-hmm. vous rencontrez des gens qui sont malades. Mm-hmm. Et là, le plus souvent, vous voyez que c'est dans quelle catégorie, les jeunes, les moyens ou les vieux? Avant, c'était les vieux. Mm-hmm. Avant, c'était les vieux. Mais pour le moment, avec la subvention du Fonds mondial, on a pu faire beaucoup de groupes de parole avec les personnes vivant avec le VIH. Mm-hmm. Tout d'abord, Alida, ce sont des gens mm-hmm. courageux. Mm-hmm. Les gens que tu vois, que tu n'as même pas connaître ici sur cet état de santé. Mm-hmm. Ce sont vraiment des gens très beaux, des gens qui parlent bien, mm-hmm. des gens qui te disent que le sida, ce n'est plus un problème. Mm-hmm. Mais franchement, ce sont les catégories de 7 à 77 ans. Mm-hmm. Ouais. Audrey, c'est la même question. Les catégories les plus touchées par le VIH-Sida. Comme vous l'avez dit, je travaille avec les jeunes. Mm-hmm. Donc, je ne sais pas beaucoup sur les personnes âgées, mais mm-hmm. Mais pour ta catégorie? Pour ma catégorie, vraiment, les jeunes, ils sont, je dirais que ce sont les plus touchés, oui. Et on essaie de les ramener, de les faire entendre l'importance de suivre bien le traitement. Et par les jeunes, il peut y avoir des jeunes de la rue, les jeunes, comme Eric l'avait dit, les jeunes qui consomment de la drogue, ou les étudiants, ou ceux qui vivent dans les familles. Est-ce que des fois, il n'y a pas d'interférence ou de complicité qui peut influencer la naissance d'une catégorie la plus visée? Pour le moment, avec ceux avec qui nous travaillons, les plus visés sont les jeunes qui sont nés avec le VIH. Mais aussi, comme Eric l'a indiqué, les jeunes usagers de drogue sont aussi parmi cette catégorie. Oui, il y a une séroprévalence élevée au sein de cette catégorie, même les enfants de la rue. Et nous, on inclut tout le monde, on est inclusive. Donc, on ignore pas, on ne dit pas, ce jeune vit dans la rue, on ne peut pas s'intéresser à lui, mais plutôt on aille vers lui pour qu'il se sente à l'aise, pour qu'il voit que ce n'est plus un problème, qu'il n'a pas ce problème à lui seul. Est-ce qu'il y a une prise en charge psychologique ou sociale, intégration, pour leur faire comprendre que c'est une maladie comme tant d'autres? Pour le RNG+, je dirais que c'est notre moteur. Oui, parce que nous, en créant le RNG+, on voulait montrer aux jeunes que même avec la maladie, on peut vivre. Donc, pour nous, on n'offre pas grand-chose à part le soutien moral. C'est ce qui compte. Quand le psychologique n'est pas bien, je dirais que même toute autre activité ne peut pas avancer. Une courte pause et nous revenons dans le studio. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Je rappelle à nos éditeurs que vous suivez l'émission Forum Jeunes et aujourd'hui, on est en train de parler de ce qui est en train d'être fait par les jeunes burundais pour lutter contre le sida. Audrey, on a compris qu'il y a un travail que les jeunes sont en train de faire sur terrain, mais à côté de ce travail, est-ce qu'il y a des contraintes à votre action? Des contraintes, il y en a toujours. Oui. Par exemple, comme j'ai dit, aujourd'hui nous sommes dans Forum Jeunes, donc nous parlons pour les jeunes. Pour les jeunes vivant avec le VIH surtout, il y a un manque d'espace où les jeunes peuvent se sentir à l'aise. C'est-à-dire que les adolescents et les jeunes n'ont pas un espace propre à eux où ils peuvent demander un service. Par exemple, s'il y a quelque chose qu'ils veulent savoir sur le VIH ou sur la santé sexuelle de la reproduction, ils ne sont pas accueillis dans ces centres, dans ces hôpitaux, dans ces dispensaires comme ils le voulaient. Donc, à RNG+, on essaie de faire que tout jeune qui veut avoir une information puisse se sentir à l'aise. Parce que au centre jeune du RNG+, ce sont les jeunes eux-mêmes qui offrent les services. Justement, ces jeunes de votre centre, quelles sont les contraintes qu'ils connaissent quand ils sont en train de mener une action contre le VIH-SIDA? Alors, pour les jeunes du centre, surtout mon centre, donc nous rencontrons un problème des fonds. Donc, nous ne sommes pas supportés comme nous le voulions. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est parce que nous sommes comme ça. Je pourrais dire les Burundais, ils ne croient pas aux jeunes. Aux jeunes, en ce que les jeunes peuvent faire. Donc, ils ne mettent pas la confiance dans ces jeunes, dans ce qu'ils peuvent faire, dans leur travail. Donc, ça, c'est un obstacle auxquels nous faisons face. Mm-hmm. Donc ça c'est le premier obstacle. Mm-hmm. Le deuxième obstacle c'est que il y a certains parents qui ne veulent pas que leurs jeunes fréquentent notre centre parce que quand ils sont malades, surtout il faut préciser. Non, quand ils ne le sont pas. Oui, mm-hmm. parce que nous n'offrons pas les services de traitement. Mm-hmm. Non, nous faisons. Quand même, l'information est là. L'information est là et le dépistage. Mm-hmm. Mais quand même, vous avez un problème d'avoir des personnes à qui adresser cette information que vous avez. Oui, parce qu'il y a certains parents qui ne comprennent pas. Pourquoi leurs jeunes devraient fréquenter des centres pareils? Parce que, comme vous le savez, dans les coutumes burundaises, il y a des choses qu'on ne veut pas parler avec. Qui restent toujours tabous. Oui, qu'on ne veut pas parler avec leurs enfants. Mm-hmm. Et nous, à RNG+, puisque ce sont les jeunes qui travaillent pour les jeunes, donc nous n'avons perdu rien, on leur donne l'information et comme ça, ils peuvent prendre une décision en conséquence de, en connaissance de cause. Il y a des contraintes qui sont relevées par Audrey à son centre. Et vous, chez ABS, vous êtes une association de jeunes en action. Non, si tu parlais de l'ABS, je voudrais te dire que tu n'es pas du tout loin d'IRNG+. Parce qu'IRNG+, on partage le même problème, c'est pas tout simplement c'est que RNG+ se focalise sur les jeunes. Sinon le goût a été dit par la détrice Audrey, mais il y a le grand problème, il y a la stigmatisation. C'est ça la stigmatisation. C'est ce qu'Audrey a dit. Il y a des parents qui ne veulent pas que ses enfants fréquentent le centre, se disant que le centre est pour les jeunes vivant avec le VIH. Alors qu'on peut avoir une information là-bas. Alors que les jeunes pouvaient avoir l'information pour se protéger dans l'avenir, pour se faire dépister, je ne sais pas. Il y a un autre grand problème, c'est le problème lié à la demande. La demande est vraiment supérieure à l'offre. La demande de quoi? C'est-à-dire, nous avons beaucoup de demandes. Si je me parle de demandes, par exemple, on veut avoir 10 centres RNG, 18 centres RNG plus au niveau national. Mais on n'a pas s'obliger. On veut dépister plus de 15 000 personnes, de 11 millions, le tout des Burundais soit dépisté. On n'a pas ces fonds. On veut par exemple faire l'autotest. L'autotest, on va faire 3 provinces pilotes, alors qu'on a 18 provinces. Alors j'imagine les 15 autres provinces. Il y a ce problème de fonds. Il y a aussi la loi qui est lacunaire. Quelle loi? La loi burundaise. La loi burundaise, par exemple, tu ne peux pas parler ici au Burundi, par exemple, je suis clair, c'est pour l'émission des jeunes, c'est forum jeunes. Par exemple, au Burundi, tu ne peux pas parler de ce qu'on appelle les MSM. C'est la loi ou c'est la culture burundaise? C'est la loi. C'est la loi. Tu ne peux pas parler de ce qu'on appelle les MSM. Tu ne peux pas parler de ce qu'on appelle les travailleurs, les professionnels de sexe. Ils sont toujours ce arrêtés. Ce sont des personnes vulnérables à risque. Ce sont des personnes vulnérables à haut risque. Je précise, à haut risque, tu ne peux pas parler des usagers de drogue injectable au Burundi. Si un usager de drogue injectable au Burundi est arrêté, il est emprisonné, mais ils savent que l'emprisonnement est la solution. Par contre, à la prison, c'est là où il sera libre. Pour enlever toutes ces contraintes, qu'est-ce qui devrait être fait pour vous? Pour moi, je pense qu'il faudrait avoir ce qu'on appelle la combinaison d'efforts. Il faut vraiment que Eric comprenne que Eric n'est pas la même chose que Alida. Alida n'est pas la même, n'est pas du tout la même chose que Audrey. Il faut vraiment se faire comprendre. Et aujourd'hui, si par exemple chez moi j'ai un usager de drogue injectable, ce n'est pas dire que chez Alida il n'y aura jamais d'usager de drogue injectable. Si par hasard chez moi il y a un jeune vivant avec le VIH, ce n'est pas dire que chez Audrey il n'y aura jamais une personne vivant avec le VIH. Vraiment, il faut vraiment qu'il y ait cette combinaison d'efforts. Il faut que tout le monde se mette dans le même paquet, se mette dans le même cargo et qu'on soit ensemble. Sinon, s'il y a une catégorie oubliée, la ministre a parlé de 7%. Si l'année prochaine, on la peine, il parle des choses supérieures à ça. Eric demande une synergie d'action pour lutter contre le VIH-SIDA. Audrey, qu'est-ce qui devrait être fait pour ne plus avoir ces contraintes qui freinent l'action des jeunes pour lutter contre le sida? On va aussi avoir ça aussi, Alida. Il faut parler aussi de l'auto-stigmatisation. Il y a ces gens-là, les personnes vivant avec le VIH, qui s'auto-stigmatisent elles-mêmes. Imagine-toi une personne, un jeune qui est sur les médicaments, mais qui arrête et dit tout, qui d'un coup les médicaments. C'est l'auto-stigmatisation. Pour moi, ce que je dirais, j'irai dans le même chemin qu'Eric. Donc, pour moi, pour que nous n'ayons plus ces obstacles, par exemple, je pourrais dire qu'on devrait prendre en considération les idées des jeunes. On devrait les impliquer dans tout ce qu'on fait pour lutter contre le VIH. Est-ce que ces idées sont exposées quelque part? Bien sûr que oui. Par exemple, des rapports qui sont produits? Bien sûr. Okay. Par exemple, si pour le RNG+, si on évoque des défis, des obstacles rencontrés par le RNG+, c'est qu'on veut qu'on prenne en considération ces obstacles et qu'on travaille sur ça pour que nous n'ayons plus ces obstacles. Donc, pour moi, je dirais que il faut d'abord que l'État, toute personne concernée, prenne en considération les idées des jeunes. Et c'est par ce message que nous clôturons cette émission. Merci de nous avoir suivis. C'était l'émission Forum Jeunes. Audrey Inarukundo, directrice exécutive du Réseau national des jeunes séropositifs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à Eric. Notre cher ami Eric Nsengiyumva, responsable des campagnes de l'Alliance burundaise. Merci de l'Alliance burundaise contre le sida et promotion de la santé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est mon honneur de vous remercier. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre page Facebook, Forum Jeune / Radio Isanganiro. À l'animation, vous étiez avec Ali Dandaikeza. La mise en onde était assurée par Emeto Samitevuti. À la prochaine.